Écoutez, je suis Jean. Poème 4 du livre 6 des Contemplations de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org par Buena Vista, France. Écoutez, je suis Jean, j'ai vu des choses sombres. J'ai vu l'ombre infinie où se perdent les nombres. J'ai vu les visillons que les réprouvés font. Les engloutissements de l'abîme sans fond. J'ai vu le ciel, les terres, le chaos et l'espace. Vivant, puisque j'en viens, je sais ce qui s'y passe. Je vous affirme à tous, écoutez bien ma voix. J'affirme même à ceux qui vivent dans les bois, que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, voit ce que vous pensez et sait ce que vous faites. C'est bien à continuer, grand, petit, jeune, vieux, que l'avare soit tout alors, que l'envieux rampe et morde en rampant, que le glouton dévore, que celui qui faisait le mal le fasse encore, que celui qui fut lâche et vil le soit toujours. Voyant vos passions, vos fureurs, vos amours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, jugez où nous en sommes. Considérez la terre et regardez les hommes. Ils brisent tous les nœuds qui devaient les unir. Et Dieu m'a répondu, certes, je vais venir. Cerque, juillet 1853. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.